Bel après-midi, restez à l'écoute de la première. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Les soldats d'Algérie vous parlent. Je suis parti me battre pour la France et puis, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Cette semaine, la torture en Algérie. On était des jeunes appelés, on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Hein. De la revendication d'indépendance à une pacification sanglante. Qu'est-ce qu'il y a tiré, là ? Qu'est-ce qu'il y a tiré ? C'est que ce merdier, là, vous avez vu quelque chose ? Ces massacres d'un côté ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000. Bonjour. Troisième journée de cette semaine d'Histoire vivante consacrée à la guerre en Algérie, puisque désormais, l'État français a reconnu que le mot d'événement relevait de l'euphémisme, et plus particulièrement à la question de la torture. Avec le procès Ossarès, éclatant la chape de plomb entretenue par l'État et l'armée depuis des lustres, la question de la torture s'est polarisée sur l'attitude de l'armée et des militaires français. Leur silence a renforcé leur responsabilité. Mais il a également occulté la question de la torture et des exactions côté algérien. C'est ce qu'indique Bertrand Tavernier quand il tourne avec Patrick Rothman un document sur ce sujet, La guerre sans nom. Que les Algériens fassent aussi leur travail de mémoire. À cette période-là, j'ai vu mon premier mort. C'est un gars qui a été exécuté par le FLN. Hein. Il avait un sac sur la tête. On l'a trouvé un matin, comme ça, dans un fossé. Un sac sur la tête, attaché avec des fils de fer, et puis une balle dans la tête. C'est le premier mort que j'ai découvert là-bas sur ce piton. On est tombé en opération sur un charnier. Il y a 11 gars qui avaient été égorgés, civils. Tués par le FLN ? Ouais. Et puis, alors, bon, on est tombé là-dessus. C'était des puanteurs monstres. J'ai assisté à une petite école à côté de Soukaras. C'était dans la région d'Aïn Sénour, je crois. Et un matin, on a été appelé et on a trouvé l'institutrice qui avait été clouée sur la porte, qui était nue d'ailleurs. La pauvre, elle a dû voir des choses. Ben, on lui avait coupé les seins, hein, et puis on est rentré dans l'école. Y a un groupe qui s'occupait de l'institutrice qui était encore vivante. Elle est morte le lendemain. Hein, et on est rentré dans l'école. Alors là, l'école, c'était l'horreur. Là. Il y avait les 57 petits garçons et petites filles qui avaient été égorgés. On découvre des hommes aujourd'hui âgés de 60 à 70 ans. Pour beaucoup d'entre eux, l'Algérie est l'événement qui a traumatisé leur vie. Ils n'étaient pas spécialement préparés à faire la guerre, comme la plupart du temps, les appelés le sont peu, et encore moins préparés aux séances d'interrogatoire, aux coups, aux supplices, aux défoulements sexuels auxquels ils ont été de près ou de loin mêlés. Chapitre 1. Qui d'entre nous s'est bien préparé pour l'enfer ? Dans son livre « La torture et l'armée » paru chez Gallimard, Raphaël Branche nous indique: la torture était déjà connue des Algériens, pas des soldats du contingent. En métropole, des livres militants, des articles l'avaient évoqué et dénoncé. On a cité hier l'article de Claude Bourdet, votre Gestapo d'Algérie. Il y eut également François Mauriac, précurseur, dans un article qui remonte lui à 1955. Pourtant, la découverte de la torture est une révélation. La radio suisse romande s'est également interrogée à plusieurs reprises sur le sujet, notamment dans une édition de haute fréquence. Dominique Voinçon et Cyril Desprats ont posé la question à André Gazu, auteur-réalisateur d'inoubliables reportages pour la télévision suisse-romande, dont un fameux sur le général de la Bollardière, document interdit d'antenne pendant de longues années. Nous y reviendrons largement demain. Et ils ont posé la question à André Gazu: un jeune en France pouvait-il savoir déjà à l'époque que la torture était pratiquée en Algérie? André Gazu. Oui, il était possible pour autant qu'on achète une presse très diversifiée. Parce que toute la presse qui était pro-gouvernementale, bien sûr, ne l'évoquait pas. Il y avait des journaux comme Témoignages chrétiens, comme Le Monde, L'Observateur, etc., la Revue Esprit, qui parlaient des exactions. Mais ça, c'était lu par une minorité de personnes. Et il faut ajouter, c'est que pendant la guerre d'Algérie, la censure était omniprésente. Beaucoup d'articles ne sont pas parus. Il y avait un encart blanc dans Le Monde, dans l'Humanité, dans La Croix, etc. Donc, c'était, après, par le oui-dire, pourquoi est-ce que ça a été censuré. Et puis, il y a eu des groupes militants, chrétiens ou politiques, qui sont élevés contre les exactions. Donc, il y avait un effort à faire pour savoir comment se passait ce qu'on appelait à l'époque la pacification. Était-il possible de rencontrer dans des familles, par exemple, des jeunes qui rentraient d'Algérie et qui... Est-ce qu'ils parlaient? Est-ce qu'ils disaient des choses? Alors, bien sûr, tout de suite, on pense à ça. On se dit, mais enfin, tous ces jeunes, il y a près de 2 millions qui sont passés en Algérie, ils ont bien dû parler. Eh bien, non. Parce que ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu, ou parfois, s'ils avaient participé, était tellement pénible qu'il y avait un phénomène de refoulement. D'ailleurs, ce qui est typique en France, c'est que pour ma génération dans les années 60, on disait que il y a eu la grande guerre du grand-père, hein, 14. Le grand-père en France parlait toujours quand j'ai fait la guerre de 14, quand j'étais à Verdun, etc. Et puis il y avait la drôle de guerre du père, parce qu'il avait vécu la débâcle de 40, et puis après le nazisme. Et puis, on disait, il y a la sale guerre du fils, de nous. C'est-à-dire, on n'en parle pas. En Algérie, les appelés changent d'univers. De papa-maman, des dimanches toiles cirées, gigots flageolets, du pantalon paille basse en velours, petite côte, bien repassée au milieu, l'ourlet légèrement au-dessus de la cheville, dans le genre quand on part aux fraises, on prépare un concours d'élégance. Les voilà qu'ils découvrent. 1. La guerre, ça fait ce bruit-là. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il y a tiré là? Qu'est-ce qu'il y a tiré? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont là? Derrière cet arbre? C'est cette merde là, vous les avez vus derrière l'arbre? Et deuxièmement, la colonie. La colonie, ça fait ce bruit là. Non, pas du tout. Il y avait toujours, les Arabes étaient toujours à côté des Arabes. Les Français européens, c'est-à-dire, étaient chacun de son côté. Il y avait toujours une table au moins qui nous séparait qui séparait les rangs. Les musulmans n'étaient pas, les Arabes n'étaient pas admis à s'asseoir dans la même table que les. D'ailleurs, ça c'est une chose tout le monde le sait, tout le monde le savait, tout le monde est au courant de ça. C'est pas nouveau. Nous étions vus des Arabes. En étant jeune, évidemment, je ne savais pas, je me demandais plusieurs fois pourquoi arabe, qu'est-ce que vous voulez dire arabe, c'est-à-dire bas, c'est-à-dire quelque chose. Puis en grandissant, j'ai compris que nous avons été vaincus. Nous étions une race qu'il fallait qui supporte les humiliations. Les humiliations. Et puis, je croyais, moi, il y avait des fois des Espagnols ou des Italiens qui étaient chez nous, eh bien, tout en ayant. On était très mal habillés, qui n'avaient même pas pour se mettre une espadrille. Qui disaient, oh, moi je suis français, je suis européen, et toi tu es un arabe. Ce arabe pour eux c'était quelque chose de bas, de vil. Ils nous aimaient pas parce que nous étions arabes. Il n'y avait que les arabes qu'ils n'aimaient pas. Ils s'aimaient entre eux. Même les pauvres, même les européens pauvres entre eux, ils avaient une certaine solidarité entre eux contre l'arabe. Ce que vous venez d'entendre est extrait d'un reportage de Charles-Henri Favreau. Retrouvons-nous dans quelques instants, si vous le voulez bien, nous nous transporterons en 1956. Paris, 1947. Un soir qu'il se promène dans les rues de Lille, un certain Ahmed Wahbi entend subitement un air oranais familier. À l'intérieur du café, le fameux Cheikh Madani interprète de la musique du genre Rarbi, chant rural sans rythme de l'ouest algérien. Ahmed Wahbi a alors l'idée de marier la modernité de la musique égyptienne à la poésie de la chanson bédouine de sa région. Et c'est cette année-là qu'Ahmed Wahbi va participer à la naissance d'un nouveau genre musical algérien. Ce métissage portera le nom de Asri, moderne, et donnera naissance quelques 40 ans plus tard au Raï. Il chante Yad El Kas, ô toi le verre, qui aborde les problèmes de l'alcoolisme qui brûle les pensées et rend les hommes petits. يا مرميت ناس في الفلاس يا دلكاس يا ما هديت من ساس يا دلكاس ويا مرميت ناس في الفلاس يا دلكاس يا ما خليت ديار ديار خالية ذاب الشباب فيك وقصير الدنيا يزيك يا دلالي من بنية الدوالي بنية الدوالي بنية الدوالي يزيك يا من بنية دوالي بنية دوالي بنية دوالي لونها شدابة بكاس البلار هي مشهابة يحرق الأفكار يزيك يا دلالي من بنية دوالي Chapitre 2. À 2, c'est déjà compliqué. À 3, c'est pire. Les élections générales à Alger de janvier 1956 évincent le gouverneur général Jacques Soustelle. La France qui affirme vouloir d'abord remettre de l'ordre et après seulement envisager les négociations, cette France irrite de plus en plus les Français d'Algérie, les pieds noirs, qui pressentent ou redoutent que la France envisage de sortir d'Algérie dans un moyen terme. Même si l'on n'en est pas encore à parler d'indépendance, quelque chose a changé. Désormais, la France doit faire face à deux fronts de refus, le FLN d'un côté et les pieds noirs de l'autre. La crise va monter d'un cran le 6 février 1956. À l'annonce du rappel du gouverneur général Jacques Soustelle et de son remplacement par le général Catrou, l'agitation gagne toute l'Algérie. 60 000 personnes manifestent leur soutien à Jacques Soustelle à l'occasion de son départ. Pour échapper à leur enthousiasme, c'est dans un blindé qu'il gagne le port. L'accueil réservé lors de sa visite à Alger au nouveau président du Conseil, M. Guy Mollet, est particulièrement agité. Des milliers de colons se rassemblent autour du monument aux morts où M. Mollet doit déposer une couronne. En quelques minutes, la manifestation tourne à l'émeute, une des plus violentes qu'ait connue l'Algérie. La visite de Guy Mollet à Alger, effectivement, Jean-Baptiste Biaggi, le 6 février 1956, me paraît être l'une des dates les plus importantes de l'histoire de France contemporaine. Nous revendiquons l'entière responsabilité de cette journée à plus d'un titre historique, et même, si vous voulez, des tomates jetées à la face des ministres qui étaient alors présents. La journée du 6 février a acculé Guy Mollet, le gouvernement, le régime, a une sorte de capitulation. Alger, ce jour-là, a gagné, et la 4e République était condamnée ou à sauver l'Algérie, ou à mourir. Comme elle n'a pas pu gagner la guerre d'Algérie, elle est tombée. Une France fragilisée, deux pôles qui désormais s'affrontent, c'est à une crise tripartite que l'on assiste désormais en Algérie entre un État, la France, Une partie de ces citoyens qui revendiquent la propriété de leurs biens acquis depuis plus d'un siècle, les Pieds Noirs, et un parti algérien, le FLN, qui prône l'indépendance absolue de l'Algérie vis-à-vis de la France. Le tout est évidemment teinté en arrière-plan de guerre froide. Avec le FLN, ce que l'on redoute également, c'est la mainmise des Rouges sur un pays du Maghreb, géographiquement bien sûr, mais aussi économiquement, car l'Algérie, tiens, c'est curieux, elle a du pétrole. Chapitre 3. Une certaine façon de parler. Cette année 1956, le vocabulaire sert aussi à faire la guerre, comme le souligne Raphaël Branche dans son livre « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie ». Ainsi, on veut mettre en place l'idée que les soldats français n'ont pas face à eux une armée qui leur ressemble. L'ennemi est qualifié de « rebelles » ou encore de « hors-la-loi ». Et les rebelles sont organisés tout naturellement en « bandes rebelles ». En 1956, Roland Barthes, dans son livre « Mythologie », écrit ceci concernant les bandes. Qu'elle soit de hors-la-loi ou de rebelle, la dépréciation du vocabulaire sert de façon précise à nier l'état de guerre, ce qui permet d'anéantir la notion d'interlocuteur. On ne discute pas avec des hors-la-loi. La moralisation du langage permet ainsi de renvoyer le problème de la paix à un changement arbitraire de vocabulaire. Et évidemment, quand un régiment de parachutistes ou de dragons est retrouvé massacré, émasculé, la gorge tranchée, le zoom est mis dessus. L'Algérien est un barbare qui, par ses actions, nie la civilisation. La guerre d'Algérie, ce n'est pas seulement l'affrontement entre une armée moderne et des guerrieros habiles sur leur propre terrain, c'est aussi le terrorisme. Un terrorisme qui, au fil des jours de ce printemps 1956, va s'installer, créant un climat d'insécurité permanent pour les populations. D'autant que les journaux et la radio s'en font l'écho. En septembre 1956, le ministre français Robert Lacoste prend la parole pour critiquer les médias. Les nouvelles fragmentaires que donnent les journaux donnent une opinion assez erronée de l'ensemble de la situation en Algérie. Elle se confine aux sensationnels et aux incidents. Elles ont le tort de ne pas présenter une vue globale de la situation. Depuis le début septembre, nous avons l'initiative dans toutes les régions de l'Algérie. Nous avons des régions où nous avons une très nette supériorité. Tout le Constantinois, la Kabylie, la petite Kabylie, une grande partie de l'Oran. Quant au terrorisme, dont on fait grand cas, il n'est pas devenu un facteur déterminant de la stratégie rebelle. Nous en sommes à l'heure actuelle au point où les ralliements se multiplient. De plus, nous multiplions le nombre d'organisations d'autodéfense et de formations de musulmanes de défense que l'on appelle les Arkas. Mais il a beau tenter d'écarter la question du terrorisme, force est de constater que, sur le terrain, le spectaculaire, pour reprendre l'expression du ministre, est le lot quotidien. Charles Finel-Théric vous parle d'Alger, Europe numéro 1. Un attentat important vient d'être commis cet après-midi avec une bombe à retardement qui a été déposée dans un autobus. Je suis près de l'autobus dont les vitres sont entièrement brisées. Il y a par terre le spectacle navrant de cartables d'enfants, de chaussettes. Cet attentat s'est déroulé non loin du palais d'été alors que l'autobus venait de marquer l'arrêt et avait à peine parcouru 100 mètres. Mais j'ai près de moi quelques personnes qui, de près ou de loin, ont pu assister à cet attentat et c'est à elles que je vais demander quelques renseignements. Nous étions à 20 mètres du lieu où a eu lieu l'explosion dans le car de Diar Essaouda et nous avons vu le car enveloppé d'une épaisse fumée, des cris d'horreur, des gens affolés qui se précipitaient, la panique et des gens en sang qui sont sortis. Nous sommes précipités et nous avons vu des enfants, des femmes, les jambes déchiquetées, arrachées, différents blessés. Pour eux, le sol de l'autobus était couvert de sang, de caillots de sang, de chiffons ensanglantés. Il y avait aussi bien du reste des Européens que des musulmans. Il y avait également des musulmans parce que c'est un autocar qui sert une ligne populaire, bien restante. Oui. Une cité où sont logés Européens et musulmans. Il y avait une mauresque qui est descendue, qui était toute ensanglantée, qui s'est assise sur le trottoir. Et les deux ouvriers, il y avait au moins deux ouvriers, oui, qui qui travaillaient sur le trottoir, dans le chantier de réfection du trottoir. Ils avaient été déculottés complètement. Je suis arrivé après, j'ai vu sortir la femme ensanglantée qui criait, et puis il y en a marre, quoi, de toutes ces histoires. Il y en a plus que marre. Surtout à cette heure-là, à la sortie des écoles. Et on a trouvé des cartables ensanglantés, on a tout trouvé, des savates, des souliers. Alors quoi, il y en a marre. Pour l'instant, on a dénombré environ 15 personnes blessées plus ou moins grièvement et on ne sait encore si certaines ont succombé à leurs blessures. Ici Charles Finaltieri qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1. La nouba est une forme musicale savante qui est constituée d'une suite de pièces vocales et instrumentales dont le rythme commence par un temps lent pour s'accélérer progressivement jusqu'à la pièce finale, le khlas, qui se termine sur un air léger, dansant et ensorcelant. On entend ici un extrait de la nouba d'Ile, considérée comme occupant la première place dans l'ordre chronologique des 24 noubas et se jouait traditionnellement à 3h du matin. Il s'agit là de l'une des pièces les plus difficiles à exécuter du répertoire arabo-andalou. Il est interprété par Nassima, dont le nom signifie en arabe « la brise ». Elle chante « Istirbar »,« je souffre d'amour ».« Je souffre d'amour, mais toi, tu me maintiens dans l'indifférence. Pourtant, j'y mets toute mon ardeur que tu crois futile. Ô pleine lune, combien sont-ils à veiller à ta lueur ? Ô rameau, que de rossignols en pleurs as-tu porté ? Français sait-il dès 1956 que l'Algérie est une colonie perdue ? Il ne le dit pas comme tel. Dans une gymnastique verbale qu'on appelle aujourd'hui langue de bois ou langage diplomatique, il cherche à se protéger des deux côtés, en soutenant d'une part que l'État français est conscient de la gravité des événements et qu'il faudra en tenir compte dans un règlement ultérieur, le statut de l'Algérie devra changer, mais en indiquant d'autre part, oui mais bien sûr, aucun changement ne devra évincer les Français d'Algérie. Hypocrisie ? Myopie ? Admirons, pris sur le vif, l'exercice de contorsion verbale réalisé par le ministre Lacoste. L'action militaire a pour but de préparer les conditions matérielles d'un règlement politique. Ce règlement politique, le moment est venu non seulement de l'élaborer, mais d'annoncer ce que le gouvernement entend qu'il soit. C'est à ce travail que nous nous livrons à Alger et à Paris depuis la mi-juillet. Je puis vous dire qu'il faudra tenir compte d'un certain nombre de réalités. Il faudra être prudent. Nous ne pouvons pas nous engager dans un mécanisme inconnu qui, d'une façon inexorable et quasi automatique, nous amènerait à l'éviction des Français de l'Algérie. 1957, Guy Mollet promet « La France n'abandonnera jamais l'Algérie ». Une Algérie qui, par le biais d'un club amateur, le club d'Elbiar, bat le Stade de Reims en quart de finale de la Coupe de France de football. Tout un symbole. Le FLN, lui, décrète une grève générale à Alger. À Paris, quelques médias font parler d'eux. L'Express fait scandale en évoquant la torture en Algérie. L'extrême droite est dans la rue pour manifester contre l'hebdomadaire. Europe numéro 1, de son côté, peut prétendre à une certaine liberté dans ses reportages, n'étant pas soumise à la censure de l'hôtel Matignon. C'est ce qui lui permet de transmettre des quantités de reportages exceptionnels qui lui donneront pour de longues années la réputation que l'on sait. Parmi ses reportages, en voici un, relevé le 20 février 1957. Un attentat a eu lieu 10 jours auparavant, faisant 11 morts et 40 blessés au beau milieu d'un stade. La suite vous est racontée par Charles Finalteri. Les auteurs des attentats à la bombe sur les stades d'Alger et d'Elbiar sont entre les mains de la police judiciaire et ils ont avoué leur forfait. Ils sont 5, 3 hommes et 2 jeunes filles, tous musulmans. Et ils ont raconté comment ils avaient opéré par couple. En effet, chaque jeune fille transportait la bombe dans son corsage, puis, une fois dans le stade, la remettait à son complice. Après avoir assisté à une partie du match, il s'en allait en laissant sur le lieu de l'attentat la veste dans laquelle se trouvait la bombe. Cela se passait le 10 février. Il y eut 11 morts et 50 blessés. Ce matin, soit 10 jours après, la police judiciaire a arrêté les auteurs de ces attentats. Dans le bureau du commissaire a pénétré maintenant l'une des deux jeunes filles et devant nous, il va l'interroger. Alors, comment t'appelles-tu ? Maya Ossine. Est-ce que tu travailles ? Non. Depuis quand es-tu dans le Front de Libération Nationale ? Depuis le 1er octobre 1956. En ce qui concerne l'affaire des bombes, explique-nous exactement comment s'est passée cette histoire-là. Alors, on m'a invité au stade d'Elbia. Qui est-ce qui t'a remis les deux bombes ? Les deux bombes ont été remises par Saïd. C'est un seul nombre ? Sûrement. Alors, tu les as camouflées comment, ces bombes ? Je les ai camouflées dans ma taille, dans un chiffon ou l'autre ma taille. Est-ce qu'elles étaient grosses ? Un peu plus, si vous voulez, de l'étui de cigarette. Vous avez rendez-vous avec qui ? Avec un jeune homme que je connais juste de vue. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il sache mon nom, lui aussi. Alors, tu lui as remis les deux bombes ? Je lui ai remis une bombe. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que c'était un jaune. Pour quelle raison ? Il y avait trop de monde et... Alors, qu'as-tu fait de la deuxième bombe ? Je l'ai lancée dans un terrain vague, c'est-à-dire là où il y avait le moins de personnes, dans le vestiaire. Bon. Et quelle a été la réaction de tes chefs quand le lendemain tu as rendu compte de ton opération ? Le lendemain, ils m'ont rien dit. Oui. Mais deux jours après, j'ai appris que j'avais fait la remarque aux garçons qui étaient venus avec moi. Oui. Est-ce que tu penses aux morts innocents qui ont été oui, j'y ai pensé même. Est-ce qu'il y a longtemps que tu y penses ? Comment ? Est-ce qu'il y a longtemps que tu y penses ? Oh oui. Et quel âge as-tu exactement ? Je vais avoir 17 ans au mois de mai. Demain, divorce entre un État et son armée, la suite de cette évocation algérienne. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.